بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة الله والله. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية. الدعوة السلفية باليمن. أنا بليزير دو بريزونتي. شرح تلخيص صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للإمام المحدث محمد الناصر الدين الألباني رحمه الله. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. Cours dispensé en direct de InSpeak par Abu Yusuf Abdullah Al-Aji. حفظه الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع ثارهم واكتفى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، قال ابن عمر وإن رآها الناس حسنة. أما بعد، خطبنا اليوم الشيخ أبو عبد الرحمن عبد الرقيب الكوكاباني حفظه الله تعالى خطبة قيمة جدا. الشيخ عبد الرقيب كي الإمام خطيب de la mosquée أم القرى صنعاء، un des élèves parmi les élèves de Cheikh Yahya حفظه الله تعالى، dont on a pu vous faire part et profiter de certaines de ces kalimas, notamment la dernière qui a été diffusée sur le site concernant l'hostilité des juifs sur nos frères en Palestine. Aujourd'hui, il nous a fait part d'une prêche dont on va vous résumer ce qui s'est passé. Et cela, Yanni, pour se désavouer des actes yani, qui sont attribués à cette qaïda, à cette organisation qui se dit al-qaïda ou tanzim al-jihad ou il akhirihi. Le wajib ala al-salafiyin, c'est de se départager de ces personnes-là, car ces personnes-là, comme al-salafiyoun, ils portent la barbe, ils mettent le qamis au milieu de au niveau des molaires, tamam, nisfasak, il a khirihi, yani d'apparence, tu peux juger de ces personnes-là, yani qui sont des salafis. Et hatta l'amalgame, il est arrivé, yani dans certaines des rues de Sana'a, jusqu'à ce que certains des gens de la masse, lorsqu'ils voyaient les frères de Maj, ils jugeaient directement, yani par injustice, en pointant des doigts, en criant fort, ces gens-là, ils font partie d'Al-Qaïda. Concernant l'actualité, yani du Yémen, il s'est passé il y a quelques jours à Hadramaut, c'est dans une ville qui se trouve au sud du Yémen, une grande région du Yémen. Il y a eu un attentat, ou plutôt des actes, yani, dans l'islam se désavouent et dans les salafiyounes se désavouent. Un groupe d'Al-Qaïda, comme eux-mêmes l'ont proclamé, ont arrêté un bus dans lequel se trouvaient certains membres du gouvernement, certains membres de l'armée. Après avoir demandé et fait la vérification de ce bus-là et demandé les pièces d'identité de ces personnes-là, toutes les personnes qui possédaient une carte militaire, ils les ont mis de côté et n'ont trouvé comme moyen de justifier leur dalal, l'égarement dans lequel ils sont, que de quoi dégorger ces 14 personnes-là pour ensuite accrocher leur tête. Et tout ça, yani, ils l'ont filmé pour montrer yani, leur criminalité dans les médias. Ces personnes-là, yani, c'est ma'rouf dans les kutub de ulama, et kazalika avant cela dans la sunnah, ces personnes-là, ils sont qualifiés des caractères et des critères les plus déplorables. Nabi Sosem, il les a qualifiés comme étant des soufah al-ahlam, des petits idiots, si on peut dire cela, des personnes qui sont faibles d'esprit, qui ont un esprit qui est très bas, comme vous pouvez le voir par rapport à cette criminalité qui s'est passée. En aucun cas, l'islam, il ordonne, il recommande, et même il autorise ce genre d'acte-là, d'égorger des crimes, d'égorger des innocents, par la passion. Il n'est permis dans l'islam que de tuer une personne que lorsque le din, il ordonne et il recommande. Il ordonne et il recommande, comme c'est venu dans le hadith d'Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا من إحدى ثلاث الثيب الزاني نعم النفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة متفق عليه توصي حديث لا يلدي que il n'est autorisé de découler le sang du muslim que pour trois raisons. Si jamais cette personne-là a pratiqué la fornication et qu'elle a été mariée, ou bien qu'il a tué une personne. Il a tué une personne sans haq, sans dalil, sans preuve, sans que l'islam lui demande. Et qu'à l'écart, la personne qui est apostate, même celui qui est apostasé de son dîn, il est permis de découler son sang. En dehors de cela, s'il n'y a pas de dalil, min al-kitab al-sunna qui te prouve cela, tu n'as pas le faire. Même hatta les prisonniers, il n'est pas été connu de la pratique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il faisait souffrir ses prisonniers. Bien au contraire, et il observe avec eux des bonnes coutumes et un bon comportement. Et ces personnes-là, ils ne sont ni des prisonniers, ni des apostats, ni des personnes qui ont fait la fornication et tout ça. Et même si jamais ils l'auraient fait, ça ne revient pas à l'individu d'établir les sanctions, mais plutôt au gouverneur. Donc l'islam, il se désavoue de ces actes-là, et salafiyun kadhalika se désavoue de ces actes-là. Al-qa'ida indana, ce sont les chiens de l'enfer, ce sont des soufah al-ahlam, même des petits abrutis, comme l'a évoqué le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui est son service des ennemis de l'islam pour pouvoir mieux salir l'islam de l'intérieur. Les ennemis de l'islam, ils ont trouvé une pratique pour venir salir l'islam, qui est d'envoyer des personnes qui proclament l'islam pour mieux salir l'islam. Avant, ils avaient une pratique, c'était de rentrer directement en conflit avec les pays musulmans, comme ça a été fait avec le président Bush lorsqu'il a attaqué l'Irak. Mais lorsque ces personnes-là, ils prétendent la justice, ils prétendent être des conciliateurs, ils prétendent ceci et cela, être la police du monde, être le nombre du monde, les meilleurs du monde, ils ne peuvent pas se permettre de venir faire la guerre pour des causes qui ne sont pas justifiées, car ceci salit leur image. Donc qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé que ces deux groupes qui s'affilient à l'islam et qui sont loin de l'islam, qui sont quoi? Al-Rawafid et Kazalikaish Al-Qaïda. Ces deux groupes-là, ce sont les deux pires sectes. Les Rawafid, ce n'est pas des musulmans. Amma les Al-Qaïda, ikhtalafu fiha les ulama sur Al-Khawarij. Certains d'eux, ils ont kaffar et certains d'entre eux, ils n'ont pas kaffar. Lakin, c'est des personnes qu'on ne donne pas un prix cher de leur dîn. Car ces personnes-là, ils déversent le sang à tout va. Et il répond le trouble, la corruption sur la terre. Donc, ces ennemis de l'islam, ils ont trouvé ces deux groupes-là, ces deux factions-là, pour être au service des ennemis de l'islam, pour salir l'islam de l'intérieur. Les ennemis de l'islam, ils ont les mains blanches, ils sont à Washington, ils sont dans les capitales qui sont connues, là où sont les ennemis de l'islam, et ils envoient ces troupes-là pour exécuter leurs ordres et exécuter leurs passions, tout en étant devant les yeux des mughaffalines, des insouciants et un innocent. Lakin, alhamdoulilah, à l'islam, il a fait que certaines des personnes, ils sont clairvoyants dans leur dîn et clairvoyants dans les actualités qui se passent. On sait très bien que Al-Qaïda et Al-Rawafid, c'est des gens qui sont au service des ennemis de l'islam pour mieux salir l'islam de l'intérieur. Donc on se désavoue. Comme on sait très bien qu'il y a des services secrets, peut-être ils écoutent, dans nos sites, ils écoutent les choses qui se passent dans nos sites. Nous, on proclame haut et fort, on se désavoue de ces choses-là qui se passent, parce qu'ils veulent salir par cela Kadhalika les salafiyines, car comme on vous a dit, Al-Qaïda et les salafiyines, d'apparence, ils sont de même. D'apparence, ils sont de même. Ils portent la barbe, ils portent le kamis, donc ça prête amalgame. Donc nous, on se désavoue de ces choses-là, L'islam, il n'appelle pas cela. L'islam, c'est une religion de paix, c'est une religion de da'wah. Et non pas, ils font écouler le sang des innocents, et non plus, même pas au-delà, le sang des musulmans. Donc, nasa Allah subhanahu wa ta'ala, yarham haoula al-jundiyin, qu'Allah fasse miséricorde à ces militaires qui ont été tués sans raison. Ils auront, yani, ces personnes-là qui l'ont tué, ils auront à rendre compte, yamal qiyama, de cette grande injustice qu'ils ont fait subir. Et on demande à Allah azawajal qu'il fasse patienter les familles de ces défunts-là, et qu'elle remplace par leur mari, il y en a de meilleurs maris, et qu'elle les fasse patienter Narma. Inch'Allah, on rentre dans le cours, ou plutôt dans la révision du cours précédent, de laquelle on avait pu parler du Qunut. Terme Al-Qunut, on avait pu voir qu'il avait plusieurs sens dans l'islam. Qui se rappelle des sens du Qunut dans l'islam? Si vous vous rappelez, on avait dit parmi les sens du Qunut, il y avait quoi? Il y a l'humilité. Parmi ces sens, kazalika, le fait de se tenir debout longtemps. La mère de salat, c'est celle dont est observé yani, le fait de se tenir debout longtemps. Et kazalika, parmi les sens du Qunut, il y a l'uzum al-ta'a, comme on a pu le voir à travers la ayah, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Al-Qanit wa al-Muti', c'est celui qui obéit et qui a de l'abnégation et de la. Et un grand dévot, même dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. C'est le dévot, la personne qui a une grande abnégation dans, dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla et dans son obéissance. Et ce qui évolue, le quatrième sens, c'est quoi? Al-Du'a. Même Al-Du'a, qui est légiféré de faire lorsque la difficulté descend sur les musulmans ou bien sûr une communauté parmi la communauté des musulmans. Donc ce qui évolue ici, c'est le quatrième sens qui est ad-du'a, pour lever la difficulté qui est tombée sur une partie de la communauté. Quel est le jugement du Qunut dans l'islam lorsqu'une difficulté tombe sur les musulmans? Est-il une obligation? Non, c'est une sunnah. Une sunnah parmi le sunan. Et le dalil qui nous prouve cela, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme ça a été rapporté d'Abu Huraira, de Anas, muttafaqun alayhi, que Nabi sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Donc le fait qu'il fasse, ça montre au premier degré que cette chose-là est une recommandation, une sunnah, et non pas une obligation. Car il n'y a rien qui prouve cela. À quel moment il est autorisé de faire cela, c'est-à-dire dans la prière? À quel endroit il est légiféré de faire le qunut? Après le ruku', qui peut rajouter un éclaircissement? Après avoir dit Rabbana wa kalham, c'est plus précis déjà. Qui peut rajouter encore un autre éclaircissement? Naam. Dans la dernière raka'a, après avoir dit Rabbana wa lakalham, ou bien Allahumma lakalham, ou bien comme on a pu voir, Rabbana wa kalham, Rabbana lakalham, Allahumma lakalham, ou Allahumma wa lakalham. Dans la dernière raka'a, comme cela a été évoqué dans Hadith Abu Huraira et autres. Et il est venu un hadith muttafaqun alayh. Selon Asim, lorsqu'il a questionné Anas ibn Malik au sujet du Qunut, quel est son endroit? Il lui a dit qabla ar-ruku', avant le ruku'. Il a dit, une personne a prétendu que tu avais dit que c'était après le ruku'. Il a dit, cette personne-là, kadaba ay akhta'a, il s'est trompé grossièrement. Donc ce hadith-là, il est muttafaqun alayh dans le recueil de Bukhari et Muslim. Donc il y a comment apporter une cohérence entre ces deux textes-là? Ce hadith-là a une contradiction, hatta dans le même hadith. Dans le propre texte, il y a une contradiction. Et les ulama du hadith, de la science du défaut des hadiths, comme c'est le cas de l'imam Ahmed et autres, alayhim rahmatullah, ils ont tous jugé que ce hadith-là, il n'est pas, il a été, c'est une contradiction, c'est une contradiction aux autres hadiths dans lesquels il est venu, que Al-Qunut, il se passe après quoi? Après le recours dans la dernière raka. Le Qunut a-t-il une dua particulière à respecter? Ou bien l'imam il a le droit de faire les du'as qu'il veut, qui sont appropriés à la difficulté qui est descendue sur les musulmans. Donc, Naam, comme tu as répondu, il n'y a pas de du'as qui est bien précise. Et c'est bien de, même s'il n'y a pas de du'as précise, il y en a de, que tes du'as sont dans le même sens dans lequel Al-Nabi Sussam il a fait. Il n'y a pas de du'as précise. Non, les du'as qui sont propres à la difficulté qui t'es descendu. Que tu demandes à Allah Azzawajal qui te sort de la difficulté dans laquelle tu es. Et si jamais elle a été, tu as été opprimé, que Allah subhanahu wa ta'ala il anéantit les personnes qui t'ont opprimé. Est-il légiféré de lever les mains pour cela? Non. Et c'est mustahab ou c'est obligatoire? C'est une sunna ou bien c'est obligatoire de lever les mains? Comme on peut le voir dans le hadith Anas ibn Malik, il a dit, j'ai pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam éprouver une colère qu'il a éprouvée pour une tribu des Arabes. Et ensuite, il a cité ces noms-là. Et ensuite, il disait qu'il levait ses mains. Et il faisait des doigts contre eux. Donc, il a levé les mains. Le fait qu'il l'a fait, c'est que, barakallahu fikoum, c'est que c'est recommandé. Est-ce que c'est permis le qunut même dans les prières, dans les prières obligatoires? Ce qui est connu, c'est que c'est fait, c'est que tu le fais dans quoi? Dans les prières qui ne sont pas surrogatoires, dans les prières obligatoires. Amma, que Nabi Sallam, il a fait dans les prières surrogatoires, c'est pas connu. Et on avait oublié de lire un paragraphe la dernière fois, là je viens de me rendre compte. Qala wa yajharu bihi idha kana imaman, na'am. Wa fiyaka barakallah. Il dit, il doit élever la main, la voix, si jamais il est imam. Si jamais il est imam. Non, parce que, comme on va le voir, quel est le jugement de dire Amin? Quel est le jugement de dire Amin pour ceux qui sont présidés? Non, c'est une sunna kadhalika. Dans le même hadith, wa kana yu'minun min khalfa. Et ceux qui étaient derrière, ils disaient Amin. Donc ceci est une sunna d'approbation, car Nabi Sallam, il n'a pas réprimandé cela. Quel est le jugement du qunut pour le witr? Dans le witr, est-il légiféré de faire cela, le qunut? Non, il n'est pas légiféré. Il n'y a pas de dalil qui prouve cela. Il n'y a aucun dalil qui prouve cela, lakin ça a été rapporté de certains des sahaba. Si tu vois une personne faire le qunut pendant le witr, que ce soit pendant Ramadan ou en dehors de Ramadan, est-ce que tu le réprimandes? Non, on ne le réprimande pas, car des compagnons l'ont fait, comme c'est le cas de Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il le faisait au cours de l'année. Ibn Umar, kazalika, pendant Ramadan, dans la dernière moitié de Ramadan, kazalika, Ubay ibn Ka'b. Donc le fait que ces sahaba ils l'ont fait, surtout pendant Ramadan, les sahaba ils étaient moujouds, ils étaient présents, sous la présence des sahaba, le fait de faire ça sous la présence des sahaba, et on ne connaît aucun d'entre eux qui ont eu de la répulsion pour cela et qu'ils ont réprimandé le fait de faire cela. Donc le fait qu'ils se sont tués sur une chose qu'il a fait, que ce soit Ubay ibn Ka'b ou Ibn Mas'ud, ceci ne te permet pas de pouvoir de réprimander les personnes qui font cela. Et même il est bien de faire cela, Inch'Allah. On ne dit pas que c'est une sunnah, lakin le fait que cela, ils l'ont fait, un grand groupe de sahabes l'ont fait, donc le fait de le faire, surtout pendant Ramadan, la basse. Lakin, ce n'est pas une sunnah. Est-ce que c'est une sunnah? Il n'y a rien qui a été prouvé sur cela. Le hadith qui a été évoqué sur cela, comme on a pu le voir, il y a des versions qui se contredisent. Il y a des versions qui se contredisent. Et les versions dans lesquelles il n'est pas évoqué le qunut, elles sont plus prépondérantes à ceux où il est évoqué le qunut, comme on a pu le voir. Quel est le jugement de faire le qunut dans des moments où il n'y a pas de difficulté, dans des moments d'aisance? Est-il permis de faire le qunut pendant les moments d'aisance? En dehors du bid'ah, non, ça c'est une bid'ah. Ni Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, ni kazalika al-khulafa al-arba'a. Les quatre califes, kazalika, n'ont pas fait cela. Radiyallahu anhum. Et comme l'a évoqué Tariq ibn Tariq al-Ashja'i, qui était un des sahaba, il a évoqué à son fils que ceci est muhdath, une innovation. Il y a un hadith qui est venu, anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yaqnut hatta faraqat dunya. Que le prophète sallam il faisait en permanence le qunut. Quel est le jugement de ce hadith? Non, il est faible. C'est un hadith qui est faible du jiddan, même qui est munkar. Pourquoi? Parce qu'il vient contredire des hadiths qui sont sahih. Comme on a pu voir dans Bukhari et Muslim, An-Nabi sallam qala tashahran mutatabi'an thumma taraka. An-Nabi sallam il a fait le qunut pendant un mois d'affilée, un mois complet, et ensuite il a délaissé. Donc le fait qu'il ait délaissé, comment on peut juger après que de dire qu'il a fait de manière permanente? Donc ce n'est pas possible. Al-Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, il voit que al-Qunut, dans le witr, son endroit, c'est quoi? Avant le ruku'. Ceci est-il... Est-ce que c'est sahih? C'est juste ce qu'il a dit? Comme on a pu le voir, les hadiths qui ont été évoqués sur cela, ils sont faibles. quel est le fait de dire wala manja minka illa ilayk? Donc nous, tu peux dire des choses, tamam. Quel est le jugement de la joue? Wala manja minka illa ilayk. Il n'y est d'issue de secours que vers toi. Si vous vous rappelez, on avait jugé que ceci était un ajout des sahaba, ça n'a pas été. Allah alam, je me souviens que c'était rajouté, je crois. Non, c'est un rajout. Hein. Donc, il y en a la doha du Qunut pour les personnes qui voient que c'est légiféré de le faire, plutôt que c'est bon de le faire. Ils doivent s'arrêter à quoi? Rabbana wa ta'alayt. Il dit Allahumma hadini fi man hadayt, wa afini fi man afayt, wa tawallani fi man tawallayt, wa barikli fi ma a'tayt. وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت استبيت عتلا أما لا من جمنك إلا إليك لا يرجوت كذلك الصلاة على النبي تمام يرجوت به قام نائب وكيل الشيخ أبو عمر حفظه الله تعالى ك لا لا كنوت لا دعاء كي لا plus authentique c'est celle que le Prophète il a enseigné à Al-Hassan ibn Ali, le fils d'Ali ibn Abi Talib, de dire, et dans lequel il n'y a pas cet ajout-là. Et il nous a dit, tout ce qui est évoqué en dehors de cela, ce sont des hadiths, ou plutôt des athars qui sont attribués aux sahaba, et non vers le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Naam, inshallah, on rentre dans le cours d'aujourd'hui. C'est ce que contenait le cours de la dernière fois. Qala rahimahullahu ta'ala, at-tashahhud al-akhir wa tawarruk. Donc là, on va rentrer dans le chapitre du deuxième tashahhud. Et kazalika atawarruk, yani c'est le fait de s'asseoir, yani sur, si on peut dire, de manière déhanchée. Tamam. Qala thumma yaq'udu lit-tashahhud al-akhir wa kilahuma wajibun. Et il dit ensuite, après cela, il doit quoi? Il doit s'asseoir pour le tashahhud al-akhir, le dernier tashahhud, et nous dire que kilahuma wajib, que les deux tashahhud ils sont wajib, que ce soit le premier ou le deuxième, comme on a pu le voir, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a certes ordonné cela, comme on a pu le voir à travers de حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله إلى آخره الحديث qui est صحيح تمام. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans ce hadith authentique rapporté par ibn Mas'ud ou plutôt rapporté par Bukhari wa Muslim sur ibn Mas'ud رضي الله عنه que Nabi صلى الله عليه وسلم a dit lorsque vous vous asseyez à chaque après chaque deux unités de prière vous devez dire التحيات لله إلى آخره التشهد. Donc comme le jugement il est tel que dans le premier tashahhud, c'est-à-dire qu'il est obligatoire. Celui qui le délaisse, il se verra yani, exposé au châtiment d'Allah azawajal s'il ne fait pas tawbah avant de mourir. Donc ça, on a pu le voir, inshallah. قَالَ وَيَسْنَعُ فِيهِ مَا صَنَعَ فِي أَتَشَّهُدَ الْأَوَّلِ. Et il dit ensuite, yani, il fait la même chose qu'il a fait dans le tashahhud al-awwal. Il veut dire par là, yani, l'assise. Plutôt pas l'assise. Yani, les choses qui sont interdit dans le tashahhud al-awwal, elles sont kazalika interdites, c'est-à-dire, comme on a pu le voir, al-iqa'a, c'est-à-dire de s'asseoir sur ses talons. Et kazalika, jassatu qi'ratu shaytan, de s'asseoir en posant son derrière à terre et en levant ses genoux en l'air et en mettant ses mains à terre. Kazalika, le fait de s'appuyer sur sa main gauche, mettre sa main gauche à terre, ou ses mains à terre, ça c'est des choses qui ne sont pas légiférées à faire, de faire, pendant le tashahhud, comme on a pu le voir. Qala illa annahu yajlisu fihi mutawarrikan. Il nous dit donc qu'il fait la même chose, excepté à l'exception de la manière de s'asseoir, qui s'appelle le tawarruk dans le deuxième tashahhud. C'est de s'asseoir de manière, si on peut dire cela, de manière déhanchée. On va expliquer, inshallah, à travers la parole de Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, la description de cette assise. Qala yufdi biwarakihi al-yusra ila al-ard. Donc il dit que sa hanche, tamam, ou plutôt, dans la première assise, il s'asseyait sur son pied. Là, c'est son postérieur qui touche à même le sol. قال ويخرج قدمي من ناحية واحدة. Et ces deux pieds, ils doivent les sortir d'un même côté, c'est-à-dire du côté droit, comme on voit. قال ويجعل يسرى تحت ساقه اليمنى. Et ensuite, il place son pied gauche sous la cuisse droite. قال وينصب قدمه اليمنى ويجوز فرشها أحيانا. Il nous dit que quand on sent, là, il a évoqué le pied gauche comme il devait être. Donc le pied gauche, il doit être allongé, étalé, et il doit sortir du côté droit, entre la cuisse et le mollet du pied droit. Quant au pied droit, il doit être, comme il dit, yunsibu qadamahu al-yumna, il doit le dresser. Il est comme dans le tashahhud al-awwal et kazalika comme parmi une description de l'assise entre les deux prostrations. Qala wa yajuzu farshuha ahyanan, il a droit de temps en temps de quoi? de mettre l'intérieur du pied yani au sol, au contact du sol. Ça, c'est la sunna au niveau de l'assise. Et ensuite, on va voir yani, ce qui incombe au niveau des mains. Quant au hadith yani, qui prouve ce qu'a évoqué Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, donc dans cette paragraphe-là, il nous a évoqué deux manières de s'asseoir. La première manière, celle qu'il a évoquée, c'est de mettre son postérieur yani, au sol, de placer son pied gauche, de l'étaler et de le mettre entre la cuisse de son pied droit et le mollet. Tamam. Et de mettre son pied droit de yani, manière dressée, c'est-à-dire les orteils en direction de la qibla. Le hadith qui nous prouve cela, hadith Na'am Abi Humaid, yani, qui a été rapporté par le Bukhari, dans lequel قال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الركعة في الركعة الأخيرة قدم اليسرى على رجله اليسرى اليمنى ونسب الأخرى وقعد على مقعده. Dans ce hadith là, il est évoqué par Abu Humaid رضي الله عنه que le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il s'asseyait dans la dernière unité de prière, il faisait comme l'a expliqué Cheikh Al-Albani, c'est-à-dire de mettre son pied gauche entre la cuisse et le mollet de son pied droit, et de dresser son pied droit. Et il met ses orteils en direction de la Qibla. Et ce hadith-là, il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Quant à la deuxième kayfiya, c'est-à-dire c'est la même que la première, sauf que quoi ? Le pied droit, il est allongé. C'est-à-dire l'intérieur du pied droit, il touche à même le sol. Il touche à même le sol et il est étalé. Le hadith, il y a qui nous prouve cela, hadith Abdullah ibn Zubayr, radiallahu anhu, rapporté par l'imam muslim, dans lequel كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى. تمام. Dans ce hadith-là, il est dit que le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il s'asseyait dans la prière, il mettait son pied gauche entre la cuisse et le mollet de son pied droit et il étalait son pied gauche. Il étalait son pied droit plutôt. تمام. Il le mettait le dos de son pied à même du sol. تمام. Ou bien à l'intérieur du pied. Ça, c'est les deux manières qui sont légiférées de faire au niveau de l'assise. Il y a une troisième manière qui a été évoquée, c'est-à-dire que c'est comme la dernière manière qu'on a évoquée, c'est-à-dire d'étaler les deux pieds. Les deux pieds sont étalés. Le dos du pied, l'intérieur du pied, les deux, ils sont à même du sol et du côté droit. Et sans mettre le pied gauche entre quoi ? Sans mettre le pied gauche entre la cuisse et le mollet du pied droit. Lakin, ce hadith-là, dans la chaîne de transmission, il y a un rapporteur qui s'appelle Ibn Lahira, et c'est un rapporteur qui est qualifié de faible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre ces hadiths. Donc il y en a trois manières de s'asseoir pour la dernière unité de prière, dans le dernier tachahhud. Trois manières ont été évoquées. Une, ou plutôt deux, de ces trois manières-là sont authentiques, et la dernière n'est pas authentique. Donc ça, c'est ce qui concerne la manière de s'asseoir, et ça c'est une chose qui est mustahab. Alors si la personne s'assoit comme elle s'assoit dans le premier teshahoud et a fait teshahoud comme ça, yani yajuz lahu, laquelle on dira que c'est mukhalafat sunnah. La sunnah c'est de s'asseoir de cette manière là car le Messie il a pas ordonné de s'asseoir de cette manière là laquelle il l'a fait, et le fait qu'il fasse comme on peut voir son premier degré de au niveau du jugement, c'est que c'est une recommandation. Et la meilleure des guidées, c'est celle du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc, on a le droit de varier dans ces manières de s'asseoir-là. Si jamais tu as la possibilité de le faire sans gêner ton frère qui est à ta droite, c'est-à-dire, je parle pour la deuxième manière de s'asseoir, c'est-à-dire en étalant les deux pieds à même du sol, le dos du pied à même du sol, si jamais tu peux le faire sans gêner ton frère, il faut le faire aussi. Il faut varier et non pas se contenter même de faire une seule manière. Ou plutôt d'observer une seule manière. قال رحمه الله تعالى ويلقم كفه اليسرى ركبته ويعتمد عليها. Quand là, il va nous expliquer yani la kayfiyya, la description que doit avoir les mains yani pendant ce tashahhud, le dernier tashahhud. Il nous dit yulqim kaffahu yusra wa rukbatahu, que sa main gauche elle vient comme avaler son genou, même comme on avait pu le voir dans le premier tashahhud, c'est-à-dire que tu mets ta main droite, ta main gauche sur le genou de ton pied gauche. قال ويعتمد عليها, c'est-à-dire que il se penche un peu, il se penche sur son côté gauche. Lakin, comme on va le voir, le fait de se pencher, il y a un hadith qui est venu, qui, dans une chaîne de transmission, qui est d'apparence authentique, ou plutôt qui n'est pas authentique, parce que, comme on va le voir, il y a un tadlis. Pour s'asseoir, plutôt au niveau des mains, la sunna, c'est, comme l'a évoqué Shir, tu mets ta main, comme on a pu le voir dans le premier tachafout, c'est-à-dire, pour commencer de la main gauche, ta paume, la paume de ta main, soit tu la mets sur ta cuisse, ou soit tu la mets quoi ? Sur ton genou. Tu as deux manières de faire pour cela, et deux hadiths qui ont été évoqués par rapport à cela, comme on a pu l'évoquer, on va les répéter, inchallah. Quant à la main droite, l'avant-bras, il doit être sur la cuisse, et quant à, au niveau de l'index, comme on a pu le voir, il y a trois manières de faire. Soit tu fais un cercle avec le pouce et le majeur, soit tu réunis tous les doigts de ta main, et tu mets, à l'exception de l'index, et tu mets le pouce sur le majeur, ou bien tu réunis les doigts qui suivent l'index, jusqu'à, j'ai oublié comment on appelle, l'auriculaire, ou j'ai oublié le nom, le dernier, et tu mets le pouce en dessous de quoi ? De l'index. Donc ces trois manières-là, ils sont légiférés, kazalika, dans le deuxième teshahhud. Les hadiths qui nous prouvent cela, ils sont tous rapportés par l'imam muslim. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ويدع يده اليمنى على فخذ اليمنى. Le prophète sallam, yani rapporté par Muslim, il mettait sa main gauche sur son genou droit, plutôt là c'est la paume qui évolue, et il posait sa main droite sur sa cuisse droite. Et dans une autre riwaya, comme l'a évoqué Shir, yulqimu. Donc il avalait, il faisait comme si jamais il avalait. Donc ces deux manières-là, ou plutôt ces deux hadiths-là, il y en a pour une seule manière, qui est de mettre sa main sur la main gauche, sur le genou gauche. Il est venu kaza les cas d'Ibn Umar, radiallahu anhu, rapporté par l'imam muslim, « Anna nabiyyu sallam kana idha jalasa fi salah, wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna, wa kaffahu al-yusara ala fakhidhihi al-yusara. » Que le prophète sallam, lorsqu'il était dans At-Tashahhud, il mettait la paume gauche sur sa cuisse gauche, et kaza les cas pour sa main droite. Donc il y en a deux manières de faire à travers ces hadiths-là. Pour ta main gauche, soit tu la mets sur ta cuisse gauche ou bien soit sur ton genou gauche. Comme l'a évoqué Cheikh Al-Uthaymin alayhi rahmatullah dans son kitab Sharh al-Mumti' fi Zad al-Mustaqni'. Yani quant au fait de ce qu'il a évoqué Cheikh alayhi rahmatullah, le fait de s'appuyer sur un côté gauche, sur le côté gauche, il y a un hadith qui a été évoqué sur cela rapporté par Abu Awana. Dans la chaîne de transmission, il y a un rapporteur qui s'appelle Ibn Jurayj, Abdullah Abdul Malik Ibn Abdul Aziz Ibn Jurayj, qui est un grand imam parmi les imams du din et du hadith. Lakin, cette personne-là, elle était connue pour le tadlis. Et tadlis, c'est le fait de rapporter un hadith tout en faisant croire qu'il a entendu avec une manière et une formule qui est employée pour faire croire que la personne l'a entendu. Maintenant, je dis « Qala Sheikh Al-Albani ». « Qala Sheikh Al-Albani ». Yani, tu peux comprendre que je l'ai entendu de Sheikh Al-Albani. Yani, si jamais maintenant je dis « Qala Yalikin », je n'étais pas présent devant lui, je ne l'ai pas écouté. Sans parler des cassettes et tout ça. Le fait que tu dis qal ou bien Sheikh al-Bani, il a informé ceci, cela, la personne peut comprendre que toi, tu l'as entendu de ses oreilles, alors que ceci n'implique pas forcément que tu l'as entendu de ses oreilles. À la kulli hal, à l'époque, lorsqu'une personne était connue pour ces genres de pratiques-là, c'est-à-dire de faire croire avec des formules, faire croire qu'il a entendu un hadith avec des formules, il y en a qui laissent entendre cela, et ces personnes-là, ils étaient jugés, il y en a si jamais. C'était connu parce que lorsqu'il faisait ça, c'était parce qu'il y avait un intermédiaire entre lui et un autre rapporteur, une personne qui était faible. Donc qu'est-ce qu'il faisait ? Il supprimait l'intermédiaire qui était daïf, qui était faible, et ensuite il utilisait une formule pour faire croire qu'il avait entendu de ce shir-là, afin que les personnes ne savent pas qu'il a pris de cet intermédiaire-là qui est une personne qui n'est pas qualifiée de faible, afin que son hadith-là ne soit pas qualifié de faible. Ça s'appelle du tadlis, et c'est une chose qui est, comme l'ont dit les ulama, c'est un nom min al-kadib, c'est une catégorie parmi les catégories, yani du kadib, même si jamais c'est pas vraiment yani du kadib, yani pur. À la kulli hal, ces genres de personnes-là qui pratiquent ces choses-là, ils sont qualifiés dans la science du hadith, ou plutôt c'est les hadiths dans lesquels ils n'ont pas clairement employé le terme par lequel on va comprendre qu'il a entendu, comme il dit maintenant, j'ai entendu de Shir Fulan, et bien ils prennent par le hadith jusqu'à ce qu'ils utilisent la formule par laquelle ils sont sûrs que cette personne-là l'a entendu. Amma, dans ce hadith-là, dans lequel il est dit que Nabi Sallam, lorsqu'il faisait Tashahud, il penchait du côté gauche, ce hadith-là, et cette personne-là qui est qualifiée de tadlis, il a utilisé un terme qu'on ne peut pas, par cela, qualifier le hadith qu'il est authentique. Donc ça, ce hadith-là, il est quoi ? Il n'est pas authentique, ce hadith n'est pas authentique. Et il y a une autre version qui est venue, et Inch'Allah Ta'ala, j'ai demandé à de mes chaïrs, parce que la chaîne de transmission elle est longue, donc je n'ai pas pu juger du hadith, lakin le Cheikh Inch'Allah, il va nous faire part de la réponse. Si jamais le hadith là, je ne pense pas qu'il a évoqué ce hadith là, voilà, il n'est pas authentique, mais Inch'Allah, on attend la réponse de ce shirk par rapport à la deuxième version. Mais la première version, elle n'est pas authentique. La première version est authentique. La deuxième version qui est rapportée par l'imam Bayhaqi, Al-Bayhaqi, c'est une personne qui faisait partie des ulama du 5e siècle. Et entre lui et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des fois tu peux trouver une dizaine de rapporteurs. Et certains des rapporteurs, leur biographie, elle n'est pas simple à trouver. Et les livres par rapport à la biographie des rapporteurs, ils ne sont pas tous en ma présence. Donc j'ai posé la question, Inch'Allah ta'ala, on vous fera part de la réponse dans un cours précédent. Dans un cours et un prochain, je veux dire. Donc, Wallahu A'lam, rien n'a été authentifié par rapport à cela. Il y a un hadith dans lequel, Wallahu A'lam, je ne pense pas qu'il a été authentifié. On ne l'a pas vu avec, dans l'étude de Bulugh al-Maram avec Sheikh Ibn Hizam, il n'a pas évoqué cela. Et ce ma'ruf, cette étude, son livre, Fath al-A'lam, c'est un livre dans lequel il a donné, s'est sacrifié dedans. Malgré qu'on ne prétend pas qu'il a regrouper tout ce qui était dans le fiqh, dans la jurisprudence, laquelle il s'est sacrifié, et ces choses-là sont des choses qui sont connues. قال رحمه الله تعالى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذ من الأربع. يعني il nous dit dans ce paragraphe-là qu'il est, on va voir le jugement de prier sur le prophète صلى الله عليه وسلم et qu'à tel cas de prendre refuge auprès d'Allah عز وجل contre les quatre choses. قال رحمه الله تعالى ويجب عليه في هذا التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا في التشهد الأول بعض صيغها. Il nous dit dans le deuxième tashahhud كذلك il est obligatoire selon l'avis de Sheikh Al-Albani عليه رحمة الله de prier sur le prophète صلى الله عليه وسلم avec les différentes formules que Sheikh il a évoquées auparavant. T'as même qu'il a évoqué auparavant, comme on a pu voir qu'il y a des mots, tu peux dire اللهم صل على Allahumma salli ala rasulillah wa ala azwajihi wa dhurriyatihi. Tu peux dire de cette manière-là. Tamam. Laki ala kulli hal, les variantes, naham, tu peux le faire comme dans le deuxième tashahhud. Amma le jugement, comme on a pu le voir, c'est que ce n'est pas une obligation. Tamam. En vérité, le jugement qui est plus juste de dire, c'est que la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, dans le deuxième tashahhud, il n'est pas obligatoire, comme on a pu le voir, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, de la personne à laquelle Nabi Sallam l'a questionné par rapport au tashahhud, il lui a dit qu'il faisait tashahhud et ensuite il demandait la protection de l'enfer et il demandait à Allah Azzawajal le Jannah. Le Prophète Sallam, il ne lui a pas ordonné de faire la prière sur lui dans un moment où il enseigne à une personne, dans le moment où l'enseignement il était demandé. Et le fait de retarder un exposé dans le moment où il est approprié, Ça c'est une chose qui n'existe pas dans la religion. C'est une chose qui n'existe pas dans la religion, comme ils disent. تأخر البيان عن وقت الحاجة يعني لا يوجد. Le fait de repousser un exposé dans le moment qui est voulu, qui est le moment qui est attendu, ça tu ne trouveras, ça n'existe pas dans l'islam. كذلك on a pu voir à travers le hadith de Mus'ud رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم dit إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا تحية لله. Ensuite il a dit quoi? ثم ليتخير من دعاء من يشاء. Donc il fait tahiyya, il dit, Anabi Sallam, dans ce hadith authentique rapporté par Bukhari wa Muslim, qu'il est légiféré pour ces personnes-là, dans Teshahhud, de faire Teshahhud, c'est-à-dire de prier, de dire tahiyyatulillah, et là, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, et ensuite, Anabi Sallam, il a dit quoi? Et ensuite, il choisit les du'as qu'il veut. Il fait des du'as, il choisit celles qu'il veut. Il n'a pas dit qu'il prie sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout le hadith qui est venu, dans lequel Anabi Sallam dit, sallu alayya ila akhirihi, comme on a pu le voir, ça, c'est des hadiths qui sont évoqué sous forme d'une réponse à une question, comme on a pu voir, et le fait que Nabi Sallam il utilise l'impératif, l'ordre, pour répondre à une question, ça, pas forcément que ça implique quoi, l'obligation, comme on a pu le voir, comme dans les cours précédents. Donc, il est plus juste de juger que c'est recommandé, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas ordonné à cette personne-là à qui il a demandé comment tu fais le tashahhud dans ta prière. Donc, ça, c'est la vie qui est juste. Et non pas une obligation comme l'a jugé Cheikh Al-Albani alayhi rahmatullah. قال رحمه الله تعالى وان يستعيذ بالله من اربع يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن من شر فتنه المسيح الدجال. Donc ces quatre choses là dans lesquelles il prend refuge, elles sont évoquées là comme l'évoqué dans le paragraphe, enfin c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim selon Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Tamam. Dans ce hadith-là, il est dit, il y a un ma'ruf, que tu demandes à Allah Azzawajal le refuge auprès d'Allah Azzawajal contre le châtiment de l'enfer, le châtiment de la tombe, l'épreuve de la vie ici-bas et après la mort, et catalika l'épreuve de Messie Dajjal. Cheikh Al-Albani il a jugé par rapport au jugement de ces quatre choses-là de prendre refuge auprès d'Allah Azzawajal que c'était une obligation. Lakin, il y a des hadiths, comme on a pu le voir, catalika, c'est les hadiths qu'on a évoqués par rapport qui ont dévié le jugement de l'obligation vers la recommandation dans la salat du Prophète sallam, catalika, il s'applique au sujet de quoi ? De l'istihad, le fait de prendre refuge auprès d'Allah Azzawajal. Car si jamais ça aurait été une obligation, un Nabi sallam, il aurait recommandé cela, ou plutôt ordonné cela, à la personne à qui il a questionné au sujet du tashahhud, et dans lequel il a évoqué des choses que Nabi sallam lui a pas reproché le fait de les évoquer. Comme il a dit, je demande le refuge auprès d'Allah, et je demande le Jannah, et je fais le tashahhud. Il lui a pas dit, il faut que tu pries sur moi, il faut que tu prennes auprès d'Allah Azzawajal le refuge contre ces quatre choses-là que Nabi sallam il a évoqué. Donc le fait qu'il ne lui ordonne pas cela, et que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait, ceci dévie l'obligation vers quoi ? La recommandation. Amma al-istihadha ma'ruf. Al-istihadha, c'est le fait de prendre le refuge auprès d'Allah Azzawajal contre les choses qui sont quoi ? Les choses qui sont détestables. Tu peux prendre le refuge auprès d'Allah Azzawajal, et comme dans le cas, tu peux prendre le refuge auprès d'une créature à partir du moment que cette créature-là elle a la kudra, la capacité de pouvoir te donner ce refuge-là. Mais si jamais tu demandes le refuge auprès d'un autre qu'Allah Azzawajal, parmi les choses que cette créature elle n'a pas la capacité de faire, ça fait partie du shirk qui fait sortir la personne de l'islam. Qu'est-ce que tu demandes une chose qui n'est pas dans la capacité de cette personne-là. Quant au... plutôt la formule qui est utilisée pour l'istihadha, les quatre choses... Comme ça a été évoqué, tu demandes ton refuge auprès d'Allah Azzawajal contre l'enfer, la tombe, la fitna de la vie d'ici-bas de l'au-delà, et kazalika de la fitna de Masih ad-Dajjal. La fitna de Masih ad-Dajjal. Dans d'autres versions rapportées par l'imam muslim, alayhi rahmatullah, ces choses-là, elles ont été évoquées, mais pas dans le même ordre. Elles ont été évoquées, mais pas dans le même ordre. Mathalan, dans la version de Abu Hurayra, radiallahu anhu, Nabi sallam, il a pris le refuge auprès du feu. Il n'a pas dit Jahannam, il a dit Allahumma inni a'udhu bika min azab an-nar, contre le feu de l'enfer. Il n'a pas dit Jahannam. Et kazalika, dans d'autres versions, Nabi sallam, il n'a pas évoqué quoi ? Il n'a pas évoqué azab an-nar. Il a pris le refuge auprès d'Allah Azzawajal contre la tombe, contre la fitna de la vie d'ici-bas de l'au-delà, contre le Masih ad-Dajjal et contre les péchés et les dettes. Il n'a pas évoqué quoi ? L'enfer. Donc ça, c'est une version kadalika, qui est légiférée de faire. Ou peut-être, on va les évoquer afin que les personnes qui veulent l'apprendre, ils l'apprennent. Donc celle qu'il a évoquée, Cheikh rahimahullah ta'ala, c'est celle qui a été évoquée par Muslim selon Abu Hurayra. Il y a kadalika, la version qui a été évoquée par Aisha radiallahu anha, dans lequel le Nabi sallam il disait quoi ? Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr. Donc il a commencé par azab al-qabr. Wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal-mamat. Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'tham wal-maqram. Qalat fa qala lahu qa'ilun ma akthar ma tasta'idhu min al-maqram. Ya Rasulullah qala inna ar-rajul idha gharima haddatha fa kadhab wa wa'ada fa akhlaf. Donc dans ce hadith là, le Nabi sallam il a pris le refuge auprès d'Allah azza wa jalla contre la tombe, contre le châtiment de la tombe, contre la fitna du Masih ad-Dajjal, et contre la fitna de la vie d'ici-bas dans l'au-delà, contre les péchés et la dette. Ensuite, une personne lui a dit, je vois que tu répètes souvent le fait de prendre le refuge auprès d'Allah Azzawajal, contre quoi ? Contre les dettes. Et Nabi Sallam il a dit, la personne, lorsqu'elle est endettée, il va trouver comme intermédiaire issu pour sortir, ou plutôt s'excuser auprès de ces personnes-là, il y a une kadib. Lorsqu'il va dire une chose, il va pas tenir. Lorsqu'il va dire une chose, il va mentir. Et lorsqu'il va promettre une chose, il va pas tenir sa promesse. Tel est certains le méfait, des daines pour ces personnes-là qui prennent des daines afin de quoi ? De ne pas des dettes afin de pas les rendre. Tu vas les voir que ils vont trouver toujours des excuses et ils vont mentir. Ils vont donner des des paroles, ils ne vont pas tenir les paroles. Et ça, c'est une parole qui est véridique. Wallah, c'est une chose qui est bien constatée chez certaines personnes qui sont endettées. Nas'Allah Azza wa Jal qui nous préserve du mauvais des dettes. Mais la personne qui prend une dette pour la rendre, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala va le faciliter. Mais ceux qui ont des mauvaises intentions de manger l'argent des gens dans le batil, voici ce qui leur est réservé, le mensonge et yani wa'ada wa akhlaf. Et ça, c'est deux signes parmi les signes de l'hypocrisie, comme cela a été rapporté par Abu Huraira, muttafaqun alayh. Kathalik est parmi les choses ou les formules qui sont légiférées de faire, Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr wa adhab an-nar wa min fitnati wa fitnati al-mahya wa al-mamat wa sharri al-masih ad-dajjal. Donc ça a été rapporté par Abu Huraira selon l'imam Muslim. Et كذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. Donc là il a inversé la même version que celle qui est évoquée dans l'épître, lakin il est inversé quoi, il est inversé ou plutôt il a été le prendre refuge auprès d'Allah Azza wa Jalla contre le Messie الدجال a été précédé à quoi, à la fitna de la vie d'ici-bas. Donc il y a plusieurs manières de faire qui tournent autour de ces choses-là. Mais des fois, tu peux supprimer le refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre l'enfer et évoquer quoi ? Les péchés, de prendre refuge auprès des péchés et des deynes, des dettes. Donc il y en a pour évoquer une explication de ce qui est un peu évoqué dans les quatre choses auprès desquelles il faut prendre le refuge auprès d'Allah Azza wa Jal afin qu'on le prenne le refuge. Il n'y a que ce refuge-là ne soit pas seulement pris par la langue, mais qu'à l'écart. Il y en a par le cœur, que nos cœurs, ils aient l'effroi de ce que comportent ces quatre choses, le châtiment de ces quatre choses, la fitna de ces choses-là. Quant à Jahannam, Cheikh Al-Usaymi, rahimahullah ta'ala, il dit que Al-Nabi Sussam, il a commencé de prendre le refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre l'enfer, car l'enfer, c'est le pire des châtiments qu'Allah Azza wa Jal puisse réserver à son serviteur. Al-Jahannam Ma'ruf, c'est un nom parmi les noms de l'enfer. L'enfer a plusieurs noms. Al-Azwa, Al-Nar, Jahannam, Tamam. Il y a beaucoup de noms parmi les noms de l'enfer, comme ça a été authentifié dans le Kitab et la Sunnah. Et c'est l'endroit et la demeure dont Allah Azza wa Jal il a réservé pour châtier qui veut parmi ses serviteurs. Et ceci, par équité et justice. Comme dans le Hadith, قال النبي صلى الله عليه وسلم, قال الله عز وجل, إنك نار عذابي أعذب بك من أشاء وأنك جنتي أرحم بك من أشاء. Tu es l'enfer, le châtiment par lequel je châtie qui je veux par mes serviteurs. Ce hadith là il est authentifié, il est dans Bukhari ou Muslim, si mes souvenirs sont bons, dans l'un des recueils, soit Bukhari ou soit Muslim, dans Riyad Salihin, ma'ruf hadha al-hadith. Donc c'est la demeure que Allah Azza wa Jal, comme Allah Azza wa Jal lui-même l'a dit, qu'il a réservé pour qui il veut parmi ses serviteurs, c'est-à-dire le kuffar, ou bien les musulmans qui vont entrer en enfer, parmi les muwahhid, parmi les gens de l'unicité, qui ont commis des gros péchés, qu'Allah Azza wa Jal, il veut expier par le fait qu'ils rentrent en enfer, afin que ceci soit une expiation, des péchés qui leur ont obligé l'entrée en enfer pour en sortir, Inch'Allah, après. Et le murad, ce qui est voulu par le prendre le refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre l'enfer, c'est de prendre le refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre les causes qui mènent à l'enfer. Donc ceci rentre et inclut le fait de prendre le refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre les péchés. Contre les péchés, car les péchés, ce sont une cause parmi les causes qui peuvent obliger l'entrée en enfer. كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. Et celui qui désobéit Allah Azza wa Jal et son messager, il aura l'enfer pour éternité. C'est-à-dire que cette chose-là peut mener et ouvrir la porte à quoi ? À le fait d'être en enfer éternellement. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Ils ont reconnu leur péché, anéanti soit les gens de l'enfer. Donc c'est une cause parmi les causes qui rentre en enfer. Cheikh Al-Albani, Cheikh Al-Uthaymin, alayhi rahmatullah, donc il nous fait part que le fait de demander le refuge auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est le fait de demander le refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre les causes qui te mènent en enfer et contre quoi ? Le châtiment même de l'enfer si jamais la personne là, elle a fait les choses qui obligent l'entrée en enfer. Donc, c'est-à-dire de demander le salut auprès d'Allah Azzawajal contre le fait de quoi ? De s'entêter dans les péchés. Le fait de s'entêter dans les péchés, on ne dit pas de ne pas faire les péchés, car personne n'est à l'abri de faire des péchés. Lakin, le fait de s'entêter dans les péchés, lorsque tu demandes le refuge auprès d'Allah Azzawajal, ça implique cela, c'est-à-dire de demander les causes qui vont t'épargner et te rendre distant des choses qui vont te faire que tu seras entêté dans les péchés. Et kaza les cas de demander le pardon à Allah Azzawajal, ça implique que tu demandes, ou plutôt cette demande-là implique le pardon d'Allah Azzawajal pour les personnes qui ont fait un péché afin que Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne cela afin qu'ils ne rentrent pas en enfer, afin qu'ils ne rentrent pas en enfer par ce péché-là. Amma azab al-qabr, azab al-qabr ma'rouf yani son châtiment, كما قال الله سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الله عز وجل dit quant au châtiment de Pharaon, l'enfer ou plutôt le feu leur seront exposés jour et nuit, et le jour où sera établie leur entrée ou fait entrer la famille de Pharaon ou plutôt ceux qui ont suivi Pharaon dans un châtiment qui est beaucoup plus douloureux. Dans un châtiment qui est beaucoup plus douloureux. Donc deux châtiments sont évoqués dans ce hadith, dans cette ayah-là. Un châtiment qui est avant que l'heure soit établie, et un châtiment qui est après que l'heure soit établie. Le châtiment qui est établi après que l'heure est venue, c'est l'enfer. Amma avant, c'est ma'rouf, c'est celui qui est réservé dans la tombe. C'est celui qui est réservé dans la tombe, comme l'ont évoqué les ulama, comme l'ont évoqué les ulama. Et kazalika, comme a été évoqué dans le hadith al-Bara ibn Azib, na'am radiyallahu anhu, selon l'imam Ahmad, alayhi rahmatullah, yani que les gens de l'enfer, lorsqu'ils vont mourir, yani ma'rouf, yani un ange va venir et va prendre son âme, et ensuite yani va l'appeler par les noms les plus pires, quand même, et il va le monter aux cieux, et ces personnes-là, à chaque cieux, ils diront mais c'est qui est cet être-là, avec cette odeur yani nauséabonde, quand même, et ils diront c'est Foulan, Ibn Foulan, c'est un tel, le fils de un tel, parmi les pires des noms que lui seront attribués à cette personne-là. Et ensuite, il sera jeté des hauts des cieux jusqu'à tomber dans l'enfer, plutôt dans la tombe. Et ensuite, les anges viendront et le questionneront sur sa religion, sur son Seigneur, sur le prophète, alayhi salam. Et aucun tawfiq, aucune réussite ne sera donnée à cette personne-là dans la tombe. Il ne répondra pas par les réponses que Allah subhanahu wa ta'ala approuve pour qu'il soit épargné du châtiment de l'enfer et qu'il soit épargné de l'enfer. Et ensuite, la tombe se resserra sur lui jusqu'à ce que ses côtes avancent s'entremêler, et il verra la destinée en enfer. Le simple fait qu'il verra sa destinée en enfer, et malgré qu'il se fera châtier dans cette tombe-là, comme c'est devenu dans le hadith, yani, qu'ils se feront frapper par des grosses matraques, si jamais les djinns et les ins, ils entendaient seulement le son de ces personnes-là qui se font châtier dans la tombe, ils se seraient évanouis. Donc que dire de la personne qui se fait taper jour et nuit, par les matraques, des grandes matraques, par rapport au péché qu'il aura fait, il sera châtié donc dans cette tombe-là, et dans cette tombe-là, il verra ce qui le sera réservé lorsque l'heure sera établie, et malgré cela, malgré le châtiment douloureux qu'il subit dans la tombe, il dira quoi ? Rabbi la tuqim sa'a. Il demandera à Allah Azzawajal qu'Allah subhanahu wa ta'ala il n'établit pas l'heure et préférera souffrir du châtiment par lequel il souffre et en est dans la tombe que de rejoindre les demeures de l'enfer, car il sait que ce châtiment-là, il est beaucoup plus douloureux. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala as-salamata wa al-afiya. Et ensuite, Nabi Sallam, il a pris le refuge contre fitnatil mahya wal mamat. Fitnatil mahya wal mamat, al-fitna dans la langue arabe, c'est quoi ? C'est l'épreuve. L'épreuve dans le din. Tu te fais éprouver dans ta religion. Ça, c'est la fitna. Et cette fitna-là, comme l'a dit Nabi Sallam, yani, elle est dans la vie d'ici-bas et kazalika dans l'au-delà. Dans la vie d'ici-bas, comme l'a dit Sheikh al-Uthaymin, cette fitna-là, cette épreuve-là, elle tourne autour de deux choses qui sont quoi ? Al-shubuhat wa shahawat. Les ambiguïtés et le suivi des passions. Quant aux ambiguïtés, yani, c'est que le faux et le vrai se mélangent. Le faux pour toi devient vrai et le vrai pour toi devient faux. Et tu ne pourras revenir sur ton dîn que si Allah subhanahu wa ta'ala il te fait miséricorde. Et ça, yani, peu sont ceux et les personnes-là qui leur est donné la réussite afin de revenir sur la vérité qui maintenant est devenue pour eux yani, un faux. Car comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yani, anna sahibat bid'a la yuwaffaq ni at-tawbah. Le mubtadi', c'est celui qui voit la chose sur laquelle il est, qu'elle est bonne, c'est-à-dire le vrai pour lui, ou plutôt le faux qui est dans la religion pour lui est vrai, il ne va pas revenir dessus. Ou plutôt la chose sur laquelle lui il est, alors qu'elle est fausse, il ne va pas revenir dessus. Pourquoi ? Parce que le faux est du, plutôt le faux s'est mêlé au vrai, et pour lui, le faux est une réalité. Donc comment il va revenir sur une chose que lui-même, il a la conviction qu'elle est quoi ? Qu'elle est une réalité, qu'elle est juste. Il ne pourra pas revenir. C'est pour ça qu'il a été évoqué que les mots betadir, peu sont ceux dont Allah Azzawajal, il leur donne la réussite pour revenir sur l'erreur qu'ils sont, parce qu'il voit qu'il est sûr, la réalité, il est sûr, yani le vrai, il croit qu'il est sûr, le vrai. Donc la fitna, dans la vie d'ici-bas, dans, parmi les ambiguïtés, c'est ça. C'est que tu vois le faux vrai et le vrai faux. Allah subhanahu wa ta'ala afia. Et kathalika, al-shahawat, le suivi des passions. C'est-à-dire que tu peux même avoir le ilm, la science que cette chose-là, elle est, c'est un péché, laquelle tu as peu de taqwa, tu as peu de piété, et la science que tu as n'était pas profitable, et ces personnes-là, tu les vois y en y faire plutôt s'entêter dans ces péchés-là. Donc les passions, le suivi des passions, tu peux avoir de la science, laquelle cette science-là n'était pas profitable, il te manque de la taqwa afin de pouvoir éviter ces choses-là, et tu le vois ces personnes-là faire y en y ces péchés-là, car y en y dans ces péchés-là, il y a il y a une douceur, il retrouve une douceur dans ces choses-là, comme c'est le cas de zina, comme c'est le cas de le fait de voler pour certaines personnes, hatta même le fait de mentir pour certaines personnes, boire de l'alcool pour certaines personnes. Tu vois donc que ces personnes-là, ils trouvent dans cette chose-là, il y a des matarun, il y a un épanouissement dans ces choses-là. C'est pour ça que, même si jamais il a l'ilm, tu le vois tomber dans ces choses-là, car il a peu de taqwa. Il a peu de taqwa. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné et recommandé de prendre le refuge auprès d'Allah azawajal contre ces choses-là. Car la fitna dans la vie d'ici-bas tourne autour de ces deux choses-là, qui est le suivi des passions et les ambiguïtés. Et qui des deux est la fitna la plus dure ? C'est, comme l'a évoqué Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, c'est quoi ? La fitna, le suivi des passions. Le suivi des passions. Car l'ambiguïté, son remède, c'est quoi ? C'est la science. Le remède, c'est quoi ? C'est la science et surtout la modestie. Car on peut te ramener la science, laquelle tu vas la rejeter. Tu vas la rejeter. Et le suivi des passions, tu peux avoir la science, et malgré cela, cette science-là, elle est quoi ? Elle n'était pas profitable. C'est-à-dire, la science, elle ne te sera pas profitable que si Allah Azzawajal, il enlève dans ce cœur cet épanouissement que tu trouves, yani pour ce péché-là. Allah subhanahu wa ta'ala, an yuwaffiqana li tawbati al-ajila min kulli dhanbin. Et il a évoqué, kadhalika, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fitnatil mamat. Yani la fitna, l'épreuve après la mort. L'épreuve après la mort, c'est quoi ? C'est les questions. La question de Munkar et Nakir, qui sont deux anges à qui Allah Azzawajal a chargé la tâche d'interroger les personnes qui sont dans la tombe au sujet de ces trois questions-là qui sont ma'rouf dans Usul al-Salasa. Mar Rabbuk, wa ma dinuk, wa ma nabiyuk. Qui est ton Seigneur ? Quelle est ta religion ? Et quel est Naam, ton prophète ? Et c'est ça la fitna qui évolue par fitnatul mamat. C'est celle après la mort. Yani que Allah Azzawajal, il te donne le tawfiq pour pouvoir répondre à ces choses-là. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْقَحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Allah subhanahu wa ta'ala donne le renfermissement aux personnes à qui il veut dans la vie, dans l'au-delà. Et il égare ce qu'il veut parmi les injustes. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Aïcha dit, ce qui est voulu par le raffermissement, c'est le fait qu'Allah azawajal te donne la réussite dans les réponses qui te seront adressées quand tu seras dans la tombe. Allah subhanahu wa ta'ala yuwaffiqana li dhalika. Et fitnatil masih ad-dajjal, ma'ruf ad-dajjal, c'est celui qui sortira. Yani, c'est le premier signe parmi les grands signes de la fin du monde. Le premier signe parmi les grands signes de la fin du monde. Ceux qui sont au nombre de 10, le premier des signes, c'est quoi ? Yani la sortie de Al-Masih ad-Dajjal. Masih ad-Dajjal, il a été appelé de cette manière-là, car son œil est mamsouh, yani il est borgne. Et Dajjal, parce que c'est une personne qui trompe. Comme on va le voir, sa fitna, c'est quoi ? C'est qu'il aura yani un Jannah et un Nar. Il aura un paradis et un enfer. Son paradis sera un enfer, son paradis est un enfer, et l'enfer sera un paradis. La personne qui va répondre, lorsqu'il va dire, rentre, yani, ceci est mon paradis, lorsqu'il va rentrer dedans, il sera projeté dans les flammes. Et qu'à tel cas, il aura quoi ? Des fleuves. Et il aura la capacité de faire tomber la pluie et kazalika de faire pousser les plantes. Donc il y a une fitna azima. Regardez les gens qui se font avoir par ces charlatans-là qui se disent magiciens. Il y a des personnes, lorsqu'ils voient leur tour de magie, tu les vois bluffés par son tour de magie. Donc qu'est-ce que c'est ? Lorsque ce sera Masih ad-Dajjal, lorsqu'il va venir, والله تبارك وتعالى يعني يعلم لكن ces personnes là يعني ils sont plus amenés à le suivre si jamais ils suivent يعني des petits charlatans يعني parmi les magiciens. Et cette personne là يعني elle a été qualifiée une personne يعني d'une grosse corpulence d'une couleur qui est un peu rougeâtre يعني les cheveux crépus borgne et kazalika يعني une personne qui est chèvre c'est-à-dire qui est entre l'âge de 30 et 40 ans ou plutôt de 20 et 40 ans qui est d'une taille yani, court de taille kazalika ils ont évoqué beaucoup de choses yani maktoub bayna ayni kazalika kafir yani aucun des personnes ne pourront lire ce qu'il y a entre ses yeux excepté le mu'min qui soit illettré ou bien qu'il soit cultivé, qu'il ne soit pas cultivé, qu'il soit lire, qu'il sache lire ou qu'il ne sache pas lire, il saura lire un texte qui est écrit entre ces deux yeux-là. Et parmi les choses kadhalika qui nous préserve de sa fitna, le fait de lire les 10 premiers versets de Sourate Al-Nahl et de la comprendre kadhalika, de Sourate Al-Kahf kadhalika, les 10 derniers versets. Les 10 derniers versets sont une prévention contre cette fitna-là, cette grande fitna-là qui est la fitna du Masih Ad-Dajjal. Tous ces hadiths-là que j'ai pu évoquer, les descriptions elles sont évoquées dans quoi ? Elles sont évoquées dans Sahih Muslim. Ensuite, hier, il est pour conclure, Inch'Allah. Il nous dit qu'il faut faire du'a avant de faire le salam. Comme l'a dit Nabi Sassam dans le hadith Ibn Mas'ud, il dit qu'il faut faire le tahiyatullah ila le hadith, il a un qala, summa li takhayyar min ad-du'a ma yasha. Et ensuite, il choisit le du'a qu'il veut à la fin. Inch'Allah, on va l'évoquer pour une prochaine fois, car ils ont fait l'azan indana. Pour le prochain cours, Inch'Allah, donc ce sera le prochain cours dimanche, Inch'Allah, tamam. Le cours, prochain cours dimanche, histoire de rattraper le cours qu'on n'a pas pu faire la dernière fois. Donc, dans ce cours-là, Inch'Allah, on va évoquer les différentes manières de pouvoir faire les du'as, tamam, et kadha lika taslim, et on va conclure, Inch'Allah, cette épître, Inch'Allah, dans le cours à venir qui sera dimanche. Et ensuite, on va se concerter sur le livre à venir. Barakallahu fikum, wa nafa'allahu bina wa bikum. ويحفظنا ويحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك مع تحية دماج أفاكم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين.